Les sept chevreaux et le loup. Il était une fois sept chevreaux qui connaissaient l'histoire des sept biquets. Chaque fois que maman chèvre devait sortir, elle rappelait ses petits. « Faites attention au loup !» Mais le loup ne venait jamais. Et comme leur maman leur lisait beaucoup d'histoires, ils connaissaient aussi l'histoire du garçon qui criait « Au loup !» pour effrayer ses amis. Les chevreaux finirent par penser que maman leur racontait des histoires pour leur faire peur. Or, un jour, un loup vint à passer par là. Le plus terrible des loups. Comme il ne connaissait pas l'histoire, il tenta sa chance. « Ouvrez, ouvrez mes petits, je suis votre maman, je vous apporte votre déjeuner. » Mais les chevaux crièrent ensemble. « Nous t'avons reconnu, loup, la voix de notre maman est bien plus douce. » Quelques jours plus tard, prenant une petite voix, le loup appela. « Ouvrez, ouvrez mes petits, je suis votre maman, je vous apporte votre déjeuner. » Les chevaux hésitèrent et demandèrent à voir ses pattes. Apparurent alors les horribles pattes noires du loup. Va-t'en, vilain loup, notre maman a de jolies pattes blanches. Dépité et très en colère, le loup s'en alla. Mais le chevreau se doutèrent qu'il n'allait pas abandonner ainsi. Il n'y avait qu'un endroit par lequel ce méchant loup pouvait passer, c'était la cheminée. Comme dans l'histoire des trois petits cochons qu'ils connaissaient bien, nos petits amis remplirent une grande marmite. Puis ils la tirèrent dans la cheminée et firent bouillir l'eau. Et le loup tomba dedans, se brûla. Et courut dehors. Maman chèvre, qui était de retour et qui avait entendu son hurlement, l'accueillit derrière la porte d'un coup de corne qui le propulsa loin, très loin. On ne le revit jamais par ici, ce méchant loup. Très heureux, mon chèvre et ses sept petits fêtèrent cette victoire toute la journée. Le soir, fatigué par tant d'émotions, le plus petit demanda à sa maman de leur lire une histoire. Une histoire de loup.